te pardonner. Libalange tikali se amaloba mama. Natangi ba plafona ba susi egima. Soki mono kwe koyo kaso ni pona koloba. Talanga na miso yo koye ba monie. Bamba temo temezali tala tala te. Banini yoko kanise langa ma Zika mon coeur Yoko, yoko mani wele wele mama Kaka ya mutambula pipa zika Nujiti keleve Yotangi presence na bisapi mama Yoko kondo na bazua zika Lia pine ya reze Mosi, mosi, mosi, mosi, mosi mama Yoko mani wele wele mama Kaka yo mutambula pipa zinga Nusiti keleve Chotangi presence na misafi mama Yoko kondo na bazua zinga Lia pine ya reze Apo Ecoute Chérie Nanga, échanger des chéris comme des amis. Voilà maman. Tu ne reviens pas, je suis perdu. Elle m'a décidé, oh chérie Nanga. Échanger des chéris comme des habits. Oh, Lita Bepoé. Sakata Bangu. Oh, Théolo Nango. Tébé, j'ai quitté. Ah, Mayu Samba. Chicha, chicha, quitté.